Bienvenue dans les îles les plus sûres sur antenne du 94 MHz, lundi à partir de 21h30 ou également à partir de son blog sur internet asile35.blogspot.fr pour les playlists, les podcasts et tout. Bienvenue dans une série de spéciales qui nous conduira jusqu'à la deuxième moitié du mois d'août. Spécial estival autour de labels spécialisés dans les musiques de traverse comme de juste. Et on démarre comme le climat est assez caniculaire avec le label de Trévise en Vénétie, dont s'occupe Andrea Angarato, alias Onga, promoteur indéfectible des scènes italiennes par l'organisation de concerts, des webzines et pas mal d'autres choses, et notamment ce label Boring Machines qui va nous intéresser ce soir, label spécialisé dans l'hypnose sonore avec une vraie identité sonore entre psyché cosmique des années 70, ambiance un peu à la Nurse With Wound, matinée de librairie sonore et de psychédélisme occulte italien. On pourrait même dire que Boring Machines est le label du psyché prog kraut no wave spaghetti qui a inventé cette étiquette du psychédélisme occulte italien. Un label qui a été fondé en 2006 et qui vient tout juste de fêter ses 10 ans avec deux soirées spéciales qui se sont tenues à Berlin au début du mois de juin. Les soirées Onga Palooza, qui est l'organisation nomade dont s'occupe le promoteur de Boring Machines, Onga, et pas mal d'autres choses, notamment 4 vinyles en édition ultra limitée pour célébrer les solstices d'équinoxe, pour l'équinoxe du printemps. Le solstice d'été vient tout juste de sortir, alors c'est limité à peu près à 10 exemplaires pour les collectionneurs. D'ailleurs, Boring Machines est un label qui se collectionne, toujours des très très beaux objets. Onga lui-même, le producteur est très très fan d'objets disques, mais il y a pas mal de disques qui sont disponibles à des tarifs très très intéressants, notamment la possibilité d'acheter les 49 références numériques disponibles sur leur Bandcamp à 49€, donc 1€ pièce par album. Et à noter que toutes ces recettes vont soutenir également l'organisation de concerts d'Al Vermeer Circolo, expulsés injustement de leur lieu qu'ils occupaient dans la banlieue est de Rome par la municipalité et la Guardia Civile. Et c'était le haut lieu, cette dalle vermée Circolo du psyché-occulte italien, en abritant notamment les concerts de Father Murphy, des Mamutones, de My My My, des Les Llamas, entre autres, ainsi que des artistes internationaux les Wolfies, Joey McPhee, Mike Cooper, Oren Ambarchi, Peter Brotzman, Rabbi Beyani de Morphine Records, le festival Thalassa dont s'occupait d'ailleurs Onga. Et donc on va s'intéresser un peu à toute cette scène italienne de l'ésotérisme psychédélique en démarrant avec un disque qui était sorti, je crois, en 2014. C'était au printemps 2014, très exactement, ce disque de la Pyramidée di Swangé, originaire de Turin, constitué de deux guitares, deux batteries, une clarinette, également des claviers, des multi-percussions. Et on y retrouve d'ailleurs aussi aux multi-instruments, dont clarinette Stefano Isaia, alias Gianni Giubliena Rosa Croce. Ils ont sorti deux disques conjointement d'ailleurs entre Boring Machines et Sound of Cobra en 2012 et 2014. Et je propose d'attaquer avec ce combo ésotérique de Turin, la Pyramidée di Swangé, et le disque de 2014 qui s'intitule CT. We'll be right back. le psychédélisme cinématique de la botte secrète du label italien Boring Machines dans les îles plus sûres ce soir. On a enchaîné tout d'abord la pyramide di Sangue et le disque publié au printemps 2014, c'était avec le fameux duo de Rome Erin in Tahiti mené par Francesco di Figueiredo et Valerio Mattioli, qui est un journaliste musical également en parallèle. Boring Machines, c'est un label qui s'intéresse beaucoup au psychédélisme et à l'occultisme, très influencé par la musique notamment d'Experimental Audio Research, la musique de Sonic Boom, l'ex Spaceman 3, également pas mal influencé aussi par la Bradford, Stars of the Lead, et bien évidemment tous les grands parrains, on pourrait dire, de cette musique italienne psychédélique des années 60-70, qu'il s'agisse de l'ensemble Nuova Consonanza dans lequel sévissait Ennio Morricone avant de voler de ses propres ailes, ou encore tous ces compositeurs tels que Egisto Macchi et consorts qui ont fait les beaux jours des bandes-son des giallo italiens, et puis pas mal aussi d'antennes du côté du krautrock et des musiques cosmiche des années 70. C'est un peu tout ça qui fait la tambouille matinée d'huile de ricin du label Boring Machines, qui fait partie d'une famille musicale dans laquelle on retrouve notamment leurs compatriotes Holidays Records, Yerevan Tapes, No-Fi Recordings et également par exemple Brigadisco et encore Wallace Records. Ça c'est plutôt pour le versant rock noise. Andrea Angarato alias Onga n'étant pas forcément très très inspiré par le rock noise, quoique on va pouvoir s'en rendre compte avec la première parution qui était sortie historiquement donc en 2006 sur Boring Machines, le projet du guitariste et songwriter Stefano Santabarbaro, et le disque My Dear Killer, enfin plus exactement son projet My Dear Killer. Il a sorti deux LP à ce jour, deux albums longs, je crois qu'il y a également eu un split, tout ça sur Boring Machines. Et donc je propose d'enchaîner avec la première publication de ce même label. Ça s'intitulait Clinical Shyness, et à noter que pour l'anniversaire des 10 ans du label, ce disque de My Dear Killer vient d'être réédité en cassette très récemment. Je propose d'enchaîner avec ce disque de My Dear Killer, le titre Phone Calls. Thank you. vous avais promis une séance d'hypnose sonore avec cette plongée en apnée dans les frasques du label italien Boring Machines. On a entendu trois titres enchaînés produits par ce même label ces 10 dernières années. Tout d'abord, la première production de ce label est ce disque My Dear Killer Clinical Shine, qui vient tout juste d'être réédité d'ailleurs en cassette pour fêter les 10 ans du label. C'était enchaîné avec Luminance Ratio, qui là est un autre genre, une autre paire de manches, on pourrait dire, et le projet de musiciens plutôt électroniques, électroacoustiques. On y retrouve notamment Luca Sigurta, qu'on a pu rencontrer ces derniers mois dans différents disques, notamment chez Creative Source ou encore très récemment production du label Monotype Records. Et donc tous les quatre, ces musiciens Andrea Ferraris, Eugenio Maggi, Gian Maria Aprile, non ils sont même cinq, Luca Mauri et Luca Sigurta, il y a deux Luca. Ils ont produit trois albums à ce jour, dont ce premier disque qui était sorti en 2009 chez Boring Machines, en coproduction avec d'autres, notamment Frato 9 Under the Sky Records. Et puis s'en était suivi une production aux éditions polonaises Bossian Records, et très récemment un disque qui est sorti un peu avant l'été sous le titre Honey Hunt Dreaming par Luminance Ratio. Donc là on entendait la production du label Boring Machines, et on a terminé avec un combo que j'adore. Là c'est de la vraie hypnose sur un coussin d'air. Il s'agissait de Satan Is My Brother, donc toujours les versions sataniques assaisonnées au Marsala par les combos du label Boring Machines. Et Satan Is My Brother, c'est un drôle de groupe qui mélange psychédélisme sur tapis électronique, matinée de jazz, un tantinet fruit, un disque assez étonnant, ceux de Satan Is My Brother. Là on entendait la toute première production Boring Machines, je m'étais intéressé à eux, je vous avais passé leur musique d'ailleurs à l'occasion de They Made Us Climb Up Here, qui était sorti au printemps de l'année 2015. C'était à peu près à cette époque quand vous avez d'ailleurs produit une émission autour de ces scènes occultes italiennes. C'était une émission qu'on avait fait pour la Pâques de l'année 2015. Pas mal de musiciens aussi qui gravitent dans différents projets chez Boring Machines, qui n'est pas avare de disques. Il y en a une bonne 60-70 à ce jour depuis 10 ans, et une vraie tête chercheuse que le producteur Andrea Angarato. On va pouvoir s'en rendre compte avec Mammutones, qui est l'une des autres signatures de Boring Machines, qui est un projet qui est un tantinet plus connu outre-Atlantique d'ailleurs, depuis qu'ils ont été signés par Rocket Recordings, le label qui produit notamment les Knod, autre groupe psyché contemporain assez proche de ces scènes italiennes. Et Mammutones, c'est le projet de Alessio Gastaldello, qui fit partie également d'une formation un peu historique de ce nouveau rock italien, Jennifer Gentle. Et on va écouter le disque éponyme produit aux éditions Boring Machine. C'était pas le premier, ils avaient sorti également une collaboration aux côtés de Fabio Orsi et un premier disque en 2009. Celui-ci, donc album sans titre, c'était sorti en 2010, et on va écouter le titre qui démarre cet album des Mammutones, le titre The Call. Thank you.

Vous êtes toujours dans les îles le plus sûr sur l'antenne du 94 MHz avec une triplette de titres enchaînés toujours autour du label Burying Machines, le label à qui nous consacrons cette spéciale, label de Trévise en Vénétie, non loin de Venise, dont nous avons passé tout d'abord les Mammutones et le disque éponyme, le disque sans nom qui était sorti en 2010 et un titre assez étonnant, The Call, qui était enchaîné avec peut-être la production du label italien la plus étonnante, Chapter 24, en compagnie de Philippe Petit, et le disque The Red Giant Meets The White Dwarfs. C'était sorti en CD en 2011, et la plus étonnante, je vous disais, parce que c'est le premier disque et le seul à ma connaissance de Burying Machines qui ne soit pas un disque d'un combo italien, puisqu'on y retrouve les trois musiciens grecs qui forment Chapter 4 depuis le début des années 80. Ils ont assez peu produit à ce jour. Ils ont commencé au milieu ou à la fin des années 80. Et ils ont sorti aussi un disque au milieu des années 90, un disque au milieu des années 2000. Et donc cette collaboration aux côtés de monsieur Bebop, le propriétaire du label Bebop, le Marseillais Philippe Petit, qui est assez coutumier du fait de collaborer un peu avec tout ce qui bouge dans les musiques de traverse et expérimentales, plutôt des musiques électroniques assez cinématiques. Donc c'était assez normal qu'ils se retrouvent sur Burying Machines. Et puis de toute manière, ce sont des musiciens proches de la Méditerranée, donc rien d'étonnant à les retrouver sur Burying Machines. Et on a terminé avec sans doute la signature la plus connue du label, à savoir Father Murphy, le groupe psyché occulte Noise, très très connu puisqu'il s'exporte notamment en Angleterre et aux États-Unis avec des signatures aussi sur Ahagoo Records et pas mal d'autres étiquettes depuis le milieu des années 2000. Ils tournent beaucoup aussi les Father Murphy et ils ont travaillé pas loin de 7 années aux côtés de Burying Machines, très très proche du patron du label, notamment le leader, le révérend Freddie Murphy. Il y a eu 3-4 disques à sortir et là on entendait ce qui est sans doute la production du label italien qui a le plus marché, le titre And He Told Us To Turn To The Sun, qui était sorti en coproduction avec No-Fi Recordings et Ahagoo Music. Voilà donc pour les Father Murphy, donc 3 titres assez différent de ce qu'on a pu entendre dans le domaine des musiques un peu hypnotiques, mais toujours assez gothiques. Les productions du label Burying Machines, on va pouvoir s'en rendre compte avec une autre signature de ce label, et le duo électronique Zone Demersale, que je ne connaissais pas du tout avant qu'ils produisent ce disque Une Face, donc EP Monoface, sorti en 2015 sous étiquette Burying Machines sous le titre Motore Primo. Ils avaient sorti une cassette précédemment chez Yerevan Tapes. Pietro Riparbelli, qui est un sound artiste et aussi philosophe d'ailleurs de la botte, qui collabore aux côtés notamment de Touch ou encore d'Important Records, et précédemment il avait sorti aussi un CD aux côtés de Philippe Petit en 2010. On va écouter ce vinyle Une Face, produit aux éditions Burying Machines, sorti en 2015, donc une production beaucoup plus récente de Burying Machines, et on écoute le titre Navigazione Sommersa. Thank you. Le psychédélisme carbonisé au soleil noir de Treviso avec ses sélections du label Boring Machines à l'honneur dans les îles le plus sûres sur Antenne 94 MHz ce soir. On a entendu deux productions de 2015, donc très récentes du label italien. Tout d'abord Zone Demersale qui faisait sonner un petit peu comme du post-Richard Pinas version spaghetti avec ce LP Monoface Motore Primo, et c'était enchaîné avec les fameux Heroin in Tahiti et ce double LP Sun and Violence qui nous avait bien plu, un titre assez curieux, Wireless Telegraphy Mirage, par le duo italien qui mélange souvent des ambiances un peu spoken words à du field recordings, tout ça matiné d'ambiance un peu dark gothique et parfois des guitares un peu plus à la sauce italienne. Tambouille très très réussie. D'ailleurs, si vous intéressez à Heroin in Tahiti, sachez que Anga, le producteur de Boring Machines, va rééditer le double album Sun and Violence qui s'arrache à des prix d'or sur Discogs. On va continuer avec un combo assez fameux de cette même famille musicale de Boring Machines. Il s'agit de Squadra Omega, qui est un combo à géométrie variable. Ils sont 6, 7, ça dépend selon les occasions. Et Squadra Omega existe depuis une bonne demi-douzaine d'années, avec un certain nombre de disques, notamment chez Holidays Records, qui avait coproduit leur tout premier opus en 2010 avec Boring Machines. Et je propose d'écouter un titre peut-être un peu plus jazz. Boring Machines ne produit pas du tout de jazz. Il laisse ce genre de bidouillerie à ses camarades de Holidays Records qui ont sorti notamment pas mal de disques de Construct, les musiciens turcs qui seront en tournée aux côtés de Squadra Omega à l'automne prochain. Je crois que ce sera en octobre, novembre de cette année. On écoute le titre extrait du premier album éponyme de cette formation, le morceau qui s'intitule Hemen Etan Hemen. We'll be right back. Vous l'aurez compris, le big boss Onga du label Boring Machines ne fait pas vraiment dans la musique traditionnelle et folklorique. On a démarré avec Squadra Omega, un combo assez brillantissime qui signait son premier disque chez Boring Machines en CD à l'époque en 2011, en coproduction pour la version vinyle avec Holidays Records. Ils ont récidivé par trois fois et c'est toujours des très très belles productions pour Squadra Omega. Et on a conclu avec le projet d'Andrea EV, alias 1997 EV et son Love Symposium Alien Spider, qui est une production très très récente de ce label qui vient de fêter ses 10 ans. Et bah, c'est pas très étonnant d'ailleurs que ça plaise à Maxime Lachaud de Obscure Mag, ce projet qui est très très proche donc du psychédélisme occulte italien, même si c'est quelqu'un qui est plutôt assimilé à une genre d'ambiante post-industrielle assez crépusculaire. Voilà donc pour Love Symposium Alien Spider de 1997 EV, Longa Vita à Boring Machines, bien évidemment. La semaine prochaine, on se retrouve avec un autre label norvégien, cette fois-ci Ubro Records, dans un tout autre registre. Et on se termine avec une dernière production de Onga Boring et un disque de Claudio Rochetti qui était sorti à l'époque en 2009 en coproduction avec Wallace Records. Claudio Rochetti, bon, qui est quelqu'un qui a une carrière assez phénoménale, notamment il fut membre de Three Quarter Had Been Eliminated, le projet aux côtés de Stefano Piglia et Valerio Tricoli, qui aurait certainement produit d'ailleurs chez Boring Machines s'il n'avait splitté il y a de ça quelques années. Et donc Claudio Rochetti, qui a sorti quantité de choses, notamment sur Backwards, Important Records et autres créatives sources, s'est défendu de ce disque The Carpenter, une sorte de bande-son pour film imaginaire de très très bon aloi et très très bien étudié pour les oreilles de Onga de Boring Machines. Je vous rappelle que ce programme est entièrement réécoutable et podcastable à partir de son blog asile35.blogspot.com. On se termine avec ce titre extrait du catalogue Boring Machines de Claudio Rochetti, The Carpenter. Je vous souhaite une excellente nuit et une très très belle semaine. À bientôt. Thank you.